Satan nous hait lorsque nous prions. Il se sert de pensées errantes, de l'assoupissement, de mauvaises pensées pour nous attaquer et entraver nos prières. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Un croyant peut s'adresser à Dieu n'importe où, n'importe quand et à n'importe quel sujet. C'est un privilège grandiose, mais combien d'entre nous le prennent vraiment au sérieux et en profitent pleinement? Trop souvent, il est vrai, nous ne prions que quelques minutes avant de nous coucher ou nous consacrons à Dieu seulement quelques secondes entre deux rendez-vous inscrits à notre agenda. Bref, nous ne prenons pas vraiment le temps de nous concentrer. Lorsque nous repoussons notre temps de prière à la fin de la journée, nous nous endormons souvent le moment venu de prier. Aujourd'hui, nous verrons comment corriger nos mauvaises habitudes de prière dans ce message intitulé « Utiliser la prière au mieux ». Voici Charles Stanley. Quel est le moment ou l'événement le plus important de la journée? Qu'est-ce qui captive toute votre attention et épuise votre énergie plus que toute autre chose? Quelle est votre priorité chaque jour? Eh bien, si nous avions posé la question à Jésus, sa réponse nous aurait étonnés. Nous pensons qu'il aurait répondu enseigner, prêcher, faire des guérisons ou d'autres miracles. Un des éléments mentionnés aurait sûrement été sa priorité. Je crois que si nous avions demandé à Jésus quelle était sa priorité, il aurait répondu « passer du temps dans la prière avec son Père ». Les Écritures affirment que tôt le matin, il se retrouvait seul avec son Père. Il en était de même dans la soirée. Il a dit « Je fais seulement ce qui plaît au Père. Je fais seulement ce que je vois le Père faire. Je ne prends aucune initiative. » Jésus-Christ était en communion ininterrompue avec son Père, pas parce qu'il était lui-même Dieu, mais parce qu'il s'arrêtait et prenait du temps seul avec son Père céleste. Ouvrons nos Bibles au chapitre 4 de l'Épître aux Colossiens. L'apôtre Paul nous y donne une exhortation au sujet de la prière. Je pense que ce texte traite de toutes les facettes de la prière. Nous allons examiner la plus importante. Lisons à partir du verset 2. « Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. » Dans ce passage, l'apôtre Paul nous dit essentiellement avec quelle attitude nous devons prier et quel devrait être le sujet de nos prières. Remarquez que Paul prie pour que le Seigneur ouvre une porte pour le ministère et que Dieu lui enseigne comment parler de la vérité afin que tous comprennent. C'est certainement ma prière lorsque je pense que nous avons le privilège de prêcher quotidiennement à des personnes dans le monde entier. Nous prêchons à des personnes de cultures différentes, de toutes les couches sociales et dans de nombreuses langues. Les messages de « in touch » et « dans contact » sont traduits dans plusieurs langues et il n'est pas rare que chaque semaine, un auditeur appelle et nous affirme que le message entendu répondait à une question qu'il se posait à ce moment-là. Nous sommes tous des humains avec les mêmes problèmes, les mêmes peines et les mêmes fardeaux. Je veux surtout expliquer ce que signifie l'expression « persévérer dans la prière ». Examinons notre manière personnelle de prier. Lorsqu'il dit de persévérer dans la prière, Paul ne parle pas d'une petite prière faite rapidement parce que nous sommes pressés. Il parle de reconnaître l'importance de la prière et d'en faire la priorité de notre vie. Persévérer dans la prière. Paul parle de prier avec puissance, stabilité et endurance. C'est surtout une question de temps. Persévérer dans la prière implique qu'on prend le temps de parler au Père céleste et d'écouter ce qu'il nous dit. Lorsque Paul dit aux chrétiens de Colosse de persévérer dans la prière, il les encourage à réserver du temps pour entretenir une relation avec le Père céleste. Notez un détail intéressant. Lorsque Jésus parle de prière, il ne parle pas de rassembler une foule, de remplir une salle, d'avoir une réunion importante et d'avoir une réunion de prière colossale. Ce n'est pas mal de faire cela, Mais qu'a dit Jésus lorsqu'il nous a entretenus au sujet de la prière? Il nous a suggéré d'aller dans notre chambre, de fermer la porte et de prier en secret. Dieu voit tout et il répondra aux prières faites ainsi. Jésus insistait beaucoup sur la prière privée et personnelle, et nous devrions en faire autant. Bien entendu, il ne s'opposait pas à la prière publique. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 14, nous lisons « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Au chapitre 2, le texte dit qu'ils persévéraient dans la prière. Au chapitre 6, les apôtres ont dit qu'ils continueraient à s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Si nous persévérons dans la prière, nous en faisons une priorité. Nous prenons le temps nécessaire pour prier efficacement. J'aimerais, pendant cette émission, que nous parlions de la prière personnelle. Nous avons tous des sujets de prière. Parfois, la plupart d'entre nous doivent admettre que nos prières sont restreintes. Nous prions surtout pour nous-mêmes. Nous nous en tenons à nos besoins personnels et nous ne prions pas pour les besoins dans le monde. Or, l'apôtre Paul nous encourage à persévérer dans la prière. Réfléchissons à un détail. Nous parlons de la prière privée et personnelle. Dans Colossiens, l'apôtre Paul nous prévient « Veillez à prier avec des actions de grâce ». Permettez-moi de vous poser une question. Qu'arrive-t-il parfois lorsque vous commencez à prier? Qu'arrive-t-il de temps à autre lorsque vous débutez un temps de prière? Vos pensées s'en vont à la dérive, n'est-ce pas? En effet, cela nous arrive. Qu'est-ce qui pousse vos pensées à aller à la dérive? Cela ne vient certainement pas de Dieu. Il ne nous dit pas « Pense à autre chose en même temps que tu me parles ». Vous vous mettez à penser à des choses de votre train-train quotidien. Ce que vous mangerez pour dîner, ce que vous avez mangé au petit-déjeuner, ce que vous allez faire demain. Vous vous demandez même comment cela se fait que vous songiez à certaines choses. N'est-ce pas étonnant? Après tout, vous êtes en présence du Dieu créateur de l'univers, le Dieu omnipotent qui vous aime et qui écoute vos prières parce qu'il désire y répondre. Cependant, en lui parlant de ce qui vous concerne, vous vous mettez à penser à autre chose. Quelle est la deuxième chose qui peut se produire lorsque vous commencez à prier? Eh bien, vous somnolez. Combien d'entre vous se sont endormis pendant qu'ils priaient? Soyons honnêtes. Qu'est-ce qui vous pousserait à dormir pendant que vous parlez à Dieu? Pensez-y bien. Vous êtes en train de parler au Père Céleste. Puis, tout ce dont vous vous souvenez, c'est que vous vous réveillez. Notre première réaction est de nous dire que nous sommes des chrétiens tièdes, que nous ne sommes pas spirituels. Nous parlions à Dieu, nous nous réveillons et nous nous sentons coupables. Moi aussi, je me sentais coupable jusqu'à ce que j'apprenne un des grands secrets pour préparer un sermon. Je l'ai appris par accident. J'ai une chambre de prière adjacente à mon bureau. Elle mesure environ 3 mètres par 2 mètres. Lorsqu'elle est fermée, il y fait complètement noir. Souvent, j'étudiais longtemps et ensuite j'allais dans la petite pièce et je priais au sujet de tout ce que j'avais appris en vue de préparer mon message. Je me suis rendu compte que je m'endormais et ensuite je pensais, « Seigneur, est-ce un manque d'amour de ma part d'être incapable de demeurer éveillé? Je te demande de mettre un message sur mon cœur et je m'endors dans la chambre de prière. Je m'adressais des reproches à ce sujet jusqu'au jour où j'ai appris une leçon fascinante. Je gavais mon esprit d'informations et ensuite j'allais prier et je m'endormais. Je me suis rendu compte que lorsque je me réveillais et que je retournais à mon bureau, je ne pouvais pas écrire assez rapidement toutes les idées qui me venaient à l'esprit. Mon esprit était éveillé parce que je l'avais empli de la parole de Dieu et que je m'étais endormi en lui parlant. Mon cerveau se mettait au neutre et Dieu en profitait pour mettre de l'ordre dans mes idées. C'est ainsi que j'ai découvert la technique la plus efficace pour préparer un sermon. M'endormir en priant. Je ne parle pas de m'endormir à minuit, mais je parle de m'endormir pendant que je travaille. Le phénomène est étonnant. Par contre, si vous regardez la télévision pendant 3 heures et que vous vous endormez, c'est de votre faute. Ne blâmez pas le diable pour cela. Cependant, je suis certain que le diable cause la somnolence pendant que nous prions. C'est pourquoi vous ne devriez jamais attendre que vous soyez presque endormi pour commencer à prier étendu sur votre lit. Lorsque vous vous réveillez, c'est déjà le matin. La somnolence peut venir du diable. Satan vous inonde de pensées et il vous fait somnoler pour vous empêcher de prier. Il fait aussi une troisième chose. Il vous distrait. Le téléphone sonne pendant que vous priez. Imaginez, vous êtes en train de parler au Dieu Tout-Puissant, qui est le souverain de l'univers, qui a la puissance nécessaire pour vous accorder vos requêtes et qui est sincèrement intéressé à vous et à ce que vous dites. Le téléphone sonne à ce moment-là. Vous allez répondre pour peut-être parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou encore pour parler à un ami qui veut vous entretenir d'une chose qui n'est pas nécessairement importante. Pourquoi donc interrompez-vous votre prière pour répondre au téléphone? Vous pensez peut-être que cet appel est important. Cependant, sur quoi vous basez-vous pour affirmer qu'il est important? Il n'y a rien de plus important que de parler à Dieu. Parfois, le téléphone sonne pendant que je prie, mais il semble que Dieu me dit de répondre. Cela ne se produit pas souvent, mais il m'arrive que l'Esprit me mette à cœur de répondre. Souvent, l'appel concerne quelque chose dont j'ai besoin, ou parfois une personne ou une situation qui nécessite des prières. Cependant, en général, lorsque le téléphone sonne pendant que je prie, il s'agit de quelque chose qui peut attendre. Lorsque nous interrompons notre prière pour répondre au téléphone, nous disons à Dieu que ce qui se passe autour de nous nous intéresse davantage que lui, le Dieu qui contrôle les événements dans notre entourage. Si j'interromps ma prière pour prendre l'appel, je ne sais pas qui est à l'autre bout de la ligne. Ce peut être un vendeur. Si je laisse Dieu pour aller répondre au téléphone, quelque chose ne va pas avec ma façon de voir les choses. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous demande de veiller à prier avec persévérance et action de grâce? Il dit bien de veiller. Il savait ce à quoi nous serions confrontés en priant. Allons maintenant au chapitre 6, de l'Épître de Paul aux Éphésiens. Nous connaissons bien ce chapitre qui décrit l'armure du croyant et ses armes pour lutter contre le diable. J'aimerais attirer votre attention sur un détail. Lisons les versets 10 et 11. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Nous connaissons les pièces de cette armure. Le casque du salut, pour protéger nos pensées. La cuirasse de la justice, pour protéger nos émotions. La ceinture de la vérité, qui nous permet de marcher dans la vérité, de croire la vérité, de connaître la vérité et de tenir ferme dans la vérité. Il y a aussi les chaussures qui sont le zèle que donne l'Évangile de paix. Finalement, il y a le bouclier de la foi et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Nous connaissons ces détails et nous pensons que l'armure sert à nous protéger au cours de notre vie. Cependant, je désire que nous nous arrêtions au verset 18 où l'apôtre Paul explique dans quel but nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu. Lisons. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Notez qu'il emploie le même vocabulaire que dans le texte de Colossiens. Verset 18. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Pourquoi est-ce que Paul termine par ces paroles? Satan nous attaque toujours vicieusement lorsque l'on fait ce qu'il déteste et ce qu'il craint le plus. Satan ne craint rien de plus qu'un homme ou une femme qui prie sérieusement de tout leur cœur. Lorsque vous prenez le temps de prier et que vous en faites votre priorité, vous devenez une cible de Satan et vous êtes un de ses pires ennemis, celui qu'il faut éliminer coûte que coûte. Pourquoi en est-il ainsi? Satan sait que vous êtes en relation avec Dieu et que dans ce cas, vous pouvez aider quiconque sur la surface de la planète. Il sait que Dieu peut vous utiliser afin que vous influenciez les gens, les nations, les situations, les circonstances et les familles. Il va tout faire pour vous distraire de la prière, pour faire aller vos pensées à la dérive, ou même pour que vous ayez des mauvaises pensées pendant que vous priez. Combien d'entre vous ont déjà eu de mauvaises pensées alors qu'ils parlaient à Dieu? Quelle a été votre première réaction? Vous vous êtes demandé d'où surgissait cette pensée. Nous savons d'où elle provient. Elle n'est pas venue de votre cœur. Vous êtes en train de parler à Dieu et soudain, une mauvaise pensée interrompt la conversation. Cette pensée ne peut provenir que du diable. Paul nous dit que lorsque nous nous préparons à prier, il faut nous revêtir de l'armure du chrétien. Le casque du salut pour protéger les pensées, la cuirasse de justice pour protéger les émotions, la ceinture de vérité, l'épée de l'esprit qui est une arme offensive et défensive, et par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Le mot grec utilisé pour bouclier est aussi un mot qui veut dire « porte ». Nous ne parlons pas des petits boucliers ronds, mais des gros boucliers qui ont la forme d'une porte. Parfois, les soldats baissaient ces boucliers au sol et s'abritaient derrière eux. Les boucliers formaient un mur qui protégeait entièrement les soldats. L'apôtre Paul nous encourage à nous revêtir de l'armure du combattant lorsque nous voulons prier. Quand nous prions, même en privé dans notre chambre, nous sommes la cible d'attaques vicieuses. Nos pensées partent à la dérive, nous devenons somnolents et de mauvaises pensées surgissent dans notre esprit. Satan attaque de plusieurs façons. Satan hait les personnes qui prient, car elles sont ses pires ennemis. Le diable hait la prière davantage que la prédication. Si donc vous vous consacrez à la prière, vous avez un potentiel énorme et il faut vous attendre à une attaque en règle de la part de Satan. Il faut donc veiller lorsque nous nous mettons à prier. Persévérez, consacrez-vous, réservez un temps pour le faire. Paul nous dit de veiller. Ensuite, Paul dit de prier avec des actions de grâce. Dans le chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens, Paul dit au verset 16 et 17 que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, et instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Pourquoi Paul met-il l'accent sur les actions de grâce dans la prière? Qu'importe ce que nous demandons à Dieu, nous devons veiller avec des actions de grâce. Veiller avec actions de grâce ne se fait pas toujours rapidement ni facilement. Si nous voulons présenter une requête à Dieu et le remercier sincèrement pour sa réponse, nous démontrons notre foi. Nous remercions Dieu parce qu'il a entendu notre prière et y a répondu. Les actions de grâce sont un mélange de pétitions et de remerciements qui conduisent à prier avec foi. Nous exprimons notre foi si nous pouvons remercier Dieu d'avance. Il y a quatre éléments essentiels à une vie de prière productive qui provoquent des différences et influencent notre vie et celle des autres. Premier élément, réserver un temps spécifique pour prier. Nous ne pourrons pas nous consacrer à la prière sans cela. Puisque Satan déteste cette activité plus que toute autre que nous pourrions entreprendre, il va s'assurer que nous soyons trop occupés pour prier. Ainsi, nous allons justifier notre manque de prière en prétextant que nous n'avons pas le temps de prier. Réfléchissez à un détail. Notre Dieu nous a donné 24 heures par jour et il pourrait nous rappeler en une fraction de seconde s'il le désirait. Personne ne pourra me contredire. Affirmer à Dieu que nous n'avons pas le temps de lui parler est une chose irraisonnable à faire. Nous n'avons pas le temps de parler au Dieu qui nous soutient chaque seconde, à chaque battement de cœur. Si Jésus priait chaque matin et chaque soir, à plus forte raison, nous, car nous avons tous suffisamment de problèmes à régler, de chagrins à guérir, de fardeaux à porter, d'épreuves à traverser, de tribulations ou d'amis dans le besoin, sans compter tout un monde qui souffre pour parler très souvent à Dieu. Si vous ne réservez pas de temps pour prier, vous ne le ferez pas. Deuxième élément. Trouvez-vous un endroit où prier. Que ce soit dans une chambre à coucher, dans un bureau ou même dans la salle de fournaise, si c'est le seul endroit tranquille, trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Il vous faut un endroit où rencontrer Dieu afin de régler les questions que vous devez régler avec lui. Un endroit pour prier n'est pas superflu. Lorsque vous avez un endroit précis où prier, vous êtes plus disposé à prier que si vous le faisiez ici et là. Vous êtes plus disposé parce que c'est votre endroit pour prier. Troisième élément, il vous faut un but pour prier. Si vous n'avez pas de but, vous allez prier pour toutes sortes de choses, pour ceci, pour cela. Vous allez prier un petit peu pour ceci, un petit peu pour cela, mais vous ne prierez pas beaucoup. Dans quel but devrions-nous prier? Nous ne prions pas dans le but d'obtenir quelque chose de Dieu. La plupart des gens prient pour cette raison. Nous prions dans le but de développer une relation personnelle et intime avec le Seigneur. Ce n'est rien pour Dieu de nous accorder nos requêtes. Il est omnipotent et il est souverain. Pour Dieu, il est important que nous nous éloignions des distractions du monde pour avoir une relation personnelle, chaleureuse et intime avec lui. Lorsque nous faisons cela, nous apprenons à connaître Dieu. Nous n'apprenons pas à bien connaître Dieu en ne lui présentant que des listes de requêtes. Il aime que nous passions du temps avec lui. Il recherche cette relation intime et personnelle. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Comment opère-t-il? Qui est ce Dieu que j'aime? Qui est ce Dieu que je sers? Comment est-il vraiment? Demandons à Dieu de se révéler à nous. Lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se révèle davantage à nous. Nous comprenons alors ses voix, comme nous ne l'avons jamais fait auparavant. Vous pouvez écouter 10 000 sermons, mais ils ne vous rapporteront jamais autant que le temps passé en présence du Seigneur à l'écouter. Je vous le répète alors. Passez du temps tête à tête avec Dieu. Nous verrons le quatrième élément à la prochaine émission. D'ici ce temps-là, profitez d'un temps de prière avec votre Dieu en tant que Sauveur et Seigneur de votre existence. Dieu veut encourager, guider, aider, affermir chacun de ses enfants, mais il ne criera pas ses instructions du ciel ou des toits. Suivez le conseil de Charles Stanley et chaque jour, prenez le temps de parler à Dieu et de l'écouter. Notre vie de prière peut consister à ne présenter qu'une liste de requêtes à Dieu. Les chrétiens peuvent faire cela pendant des années sans se rendre compte qu'ils ne parlent pas vraiment à Dieu. Un ami chrétien m'a raconté qu'il a visité une église où seulement 2 personnes ont prié pour le salut des âmes. Tous les autres ont prié égoïstement pour leurs problèmes personnels. Ils ont prié pour leur santé, pour recevoir des biens matériels ou un meilleur salaire, pour avoir une promotion, etc. Cependant, une prière qui contient des requêtes en faveur d'autres personnes ou qui réclame à Dieu de mettre sa main sur des activités chrétiennes n'est pas nécessairement mieux. Nous prions pour satisfaire nos convoitises. Nous nous glorifions dans des activités sans chercher à connaître Dieu ou avoir une relation intime avec lui. Quelle tristesse! Nous rejetons aussi les prières apprises par cœur, mais parfois nous prions chaque dimanche ou même en privé en prononçant toujours les mêmes paroles. et nous ressassons les mêmes requêtes, nous redemandons les mêmes choses. Encore là, nous ratons la cible. Nous ne cherchons pas à développer une relation intime avec Dieu ou à le connaître. Pour avoir une relation personnelle avec une femme, nous lui parlons de ce qu'il y a dans notre cœur. Nous écoutons ce qu'elle nous dit. Nous partageons des choses. Nous ne nous contentons pas de toujours lui réciter les mêmes poèmes ou de lui lire notre liste d'épiceries. Alors pourquoi faisons-nous cela avec Dieu? Charles Stanley a touché le mille lorsqu'il a dit que le but de la prière doit être de développer une relation intime et chaleureuse avec Dieu et d'apprendre à le connaître. Si vous éprouvez la difficulté à prier, dites-vous que vous n'êtes pas le ou la seule dans cette situation. Il n'est pas facile d'apprendre à prier, surtout que dans le monde francophone, on nous a souvent appris que prier, c'est présenter des requêtes à Dieu. On ne nous a pas appris à louer et à glorifier Dieu. En plus de suivre les conseils pratiques de Charles Stanley, c'est-à-dire se trouver un moment et un endroit tranquille pour prier, il faut apprendre à prier avec des actions de grâce et avec un but, connaître Dieu. Il faut cesser de ne voir en lui qu'un pourvoyeur, qu'un Père Noël à qui présenter une liste de requêtes ou qu'un génie dans une lampe qui apparaît lorsqu'on la frotte, prête à exaucer nos vœux. Lorsque nous prions, nous parlons à un Père céleste qui nous aime, qui veut notre bien, qui nous fait du bien, qui prend plaisir à nous entendre et à répondre à nos prières. Il veut notre cœur avant toute chose. Il nous veut, nous. Or, si nous prions sans venir à un Père céleste qui nous aime, nous ne faisons que pratiquer un rituel religieux sans valeur aux yeux de Dieu. Il est écrit dans Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.